Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Akhadna fi ad-dars as-sabiq al-mithal ar-rabi' min hadhihi al-amthila an-nafi'a allati dhakaraha al-'allama ash-shaykh Sa'di rahmatullah alayhi fi bayan mahasin hadha ad-din. Donc, il cite des exemples, rahimahullah, pour montrer les bienfaits de notre dîn. Et dans l'exemple numéro 4, il a cité Anna hada ad-din din al-islam, c'est din al-rahma, wal-ihsan, wal-baraka, wal-afu. Wa hada taqaddam ma'ana. Rahmatun bi al-saghir, bil-kabir, bil-za'if, bil-miskin. Rahmatun hatta bi al-hayawanat. Et on a cité des preuves. Il appelle à la rahma. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé comme rahma pour l'alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kadhalika l'ihsan. L'ihsan ila l'walidain. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya. Wa bil walidain ihsana. L'ihsan bi ma'a al-jiran, ma'a al-dhuyuf. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum. أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Donc الإحسان, la bienfaisance envers ses voisins, envers ses enfants, envers son épouse. دين الإسلام nous appelle à tous ces bons comportements. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله المثال السادس ما جاء به هذا الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. Et ça fait partie de notre din. Al jihad fi sabilillah wa al amr bil ma'ruf wa al nahy 'an al munkar. Et ça fait partie du jihad fi sabilillah. قال فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدي. Ça fait partie des les causes pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré al-jihad fi sabil, parmi les causes udwan ou daf' udwan al-mu'tadin, c'est pour repousser le mal des injustes, ceux qui veulent faire du mal aux muslimines. Ils envahissent un pays muslim, ils veulent faire du mal aux muslims, fayushra' lil muslim an yudafi' an nafsihi wa yujahid ha'ula al-a'da. Pourquoi ? Pour repousser leur mal. قال مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته وهو أفضل أنواع الجهاد لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية. الجهاد c'est pas pour gagner de l'argent. Al-jihad, c'est pas pour des choses personnelles. Al-jihad, c'est pas pour se venger, c'est pas pour faire du mal. Là, al-jihad, c'est une ibadah azima. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour repousser le mal de ceux qui sont injustes envers les musulmans. Kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour propager هذا الدين العظيم. قال ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أعدائهم عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات والدفع عادية المعتدين. Celui qui médite sur la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons, il comprendra l'importance du jihad في سبيل الله. هذا الجهاد c'est une rahma. Ça repousse le mal, ça propage le bien, ça préserve l'amwal, ça préserve le sang des muslimines. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى il démontre dans ce verset une tijara. La tijara, tu le traduis mot à mot par le commerce. Tijara, ce commerce, tunjikum min adabin alim. et te préserve min adhab Allah azza wa jalla al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre, celui qui veut al-khayr, celui qui veut être préservé du châtiment, qala subhanahu tu'minuna billah. Première chose, al-iman. Al-iman billah jalla wa ala. Al-iman alladhi shara'ahu Allah azza wa jalla. Al-iman qui est cité dans le Coran et qui est cité dans la Sunna, qui est fondé sur le tawhid, unifié Allah subhanahu wa ta'ala fi l'ibadah, fi l'rububiyya, fi asma'ihi wa sifatih. Donc première chose, al-iman. Qala tu'minuna billah wa rasulih. Deuxième chose, al-iman bil rasul. Ay al-i'tiqad annahu c'est un rasul bi haqq. An Allah subhanahu wa ta'ala il l'a envoyé pour guider un nas. أن الله سبحانه وتعالى il lui a révélé le Coran al-Karim. قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc troisième chose, الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. C'est une عبادة عظيمة. قال يغفر لكم ذنوبكم. Al-thamara al-an, celui qui patiente et qui applique ces choses comme Allah subhanahu wa ta'ala il les a légiférées, fa Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lakum dhunubakum. Premièrement, Allah lui pardonne ses fautes, ses péchés. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. La récompense al-azima al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala il le fait rentrer في الجنة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il a cité la récompense في الآخرة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ثم Allah subhanahu wa ta'ala il a cité la récompense في الدنيا وأخرى تحبونها أي une chose que vous aimez نصر من الله أي الله سبحانه وتعالى il vous donne le secours. الله سبحانه وتعالى il vous donne le dessus وفتح قريب. ثم الله سبحانه وتعالى il a conclu ce verset وبشر المؤمنين. C'est une bonne nouvelle pour المؤمنين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أي الأعمال أفضل. C'est quoi les meilleures œuvres? Ils ont demandé au prophète sallam. Qala imanun billah wa rasulih. Afdal al-a'mal, al-iman billahi azza wa jalla wa bil rasul. La meilleure œuvre, c'est croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Qila thumma madha? Ils lui ont demandé et après ya rasulullah, qala al-jihad fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajj mabrur. Il a cité après l'iman billah wa bil rasul al-jihad et après l'jihad al-hajj. Et fi hadith ibn Mas'ud as-salat kadhalik. C'est min afdal al-a'mal. As-salat fi waqtiha. Al-hadith ila muttafaq alayh. Fa hadhihi c'est une ibada azima. Et ça montre les bienfaits de hada ad-din. Anna hada ad-din donne de l'importance au sang des musulmans, il donne de l'importance à leur amwal. Et donne de l'importance à leur unité, préserver leurs biens et leur sang. Wa ta'lamuna anna al-a'da, ils font tout pour salir hadhihi al-ibada al-'azima. Et ils utilisent min as-sufaha at-ta'ishin. Ils utilisent des ignorants, des faibles d'esprit pour salir hadhihi al-ibada al-'azima. Que cité fi al-Qur'an al-Karim à plusieurs reprises dans de nombreux versets. Cité fi sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui lit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de passages c'est sur cette ibadah al-azima al-jihad. Lakin al-a'da ils font tout pour salir cette adoration alors que c'est un khayr. C'est un khayr hatta pour l'adou, hatta pour le kafir. C'est un khayr pour lui. Lian rabbama hada al-jihad c'est la cause pour que yatoub ila Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils réfléchissent. Kadhalik, c'est une cause pour empêcher l'injustice. Lakin, هذا الجهاد العظيم إلى دي شروط et des ضوابط. اعلم أخي الكريم أن c'est pas tout ce qui est appelé jihad أنه c'est un jihad. Et c'est pas tout ce qui appelle au jihad أنهم ils appellent au حق. بل كثير من الناس الآن للأسف s'apparentent à l'islam أنهم ils appellent au jihad et في الحقيقة ils appellent à leur intérêt à eux. Et ils sont injustes eux-mêmes. Et ce qu'ils font, c'est pas min al-jihad al-shar'i fi shay, bel c'est min al-dhulmi wal-udwan wa al-fawda wal-fitan. Fantabih akhi al-karim, c'est pas tous ceux qui prétendent appeler une chose, annahum ils appellent à cette chose vraiment comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a légiféré. Fali hadha al-shabab khassa wal-muslimin umuman, ils doivent revenir à ahl al-ilm fi hadha al-bab, et ils doivent obéir à leur gouverneur fi hadha al-bab. Hadha al-bab, c'est pas cette mas'ala et le jihad, c'est pas une chose que chacun fait de son côté, que chacun comprend comme il veut. Il y en a beaucoup de nas, là, ils font du dhulm, des injustices, des tueries, des attentats, et ils vont appeler hadhihi al-ashya jihad. C'est min al-ifsad fi al-ard wa min al-fasad. Qala al-shaykh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, shurut al-jihad ma'louma. Bon, le musulman doit donner de l'importance à ses conditions et à condition de toute ibada. L'ibada, comme on détaille dans notre dars, dans l'autre dars après celui-là, sur dawabit al-ibada al-sahiha de Cheikh al-Fawzan, ce maqal qui est nafi', une petite risala qui est très importante, anna al-ibada a des shurut, des conditions. L'ibada, tu fais pas ce que tu veux. Tu suis pas tes passions. Là, l'ibada a des conditions précises. Et parmi ces conditions, c'est que cette ibada, elle doit être faite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a faite. Fahad al-jihad al-an, il a des shurut azim. Qala Cheikh al-Fawzan, il cite le premier shurut, an yakun fil muslimin quwwa wa imkaniya li mujahadati al-kuffar. Première condition, al-qudra, la capacité. Amma, on s'engage dans une chose, on n'a pas la capacité, on n'a pas la force, et le résultat, c'est que le mal, il est beaucoup plus grand que le bien, et les pertes chez les musulmans, elles sont beaucoup plus nombreuses, et on n'a rien gagné. Fahada, fi hada al-hal, c'est pas mashrou'. Lian Allah Azza wa Jal yaqul, fattaqullaha mastata'tum, wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu n'as pas le droit de t'imposer au-dessus de tes capacités. فبعض الناس الآن, à cause de leur faiblesse, et كذلك l'injustice qu'ils voient, كذلك ils s'imposent une responsabilité que personne ne leur a donnée, فربما ils font des choses au nom du jihad. Et ce n'est pas min al-jihad, fichier. Bête, ça fait plus de mal. ربما il fait du mal à lui-même, il fait du mal à ses parents, à sa famille, il fait du mal à son pays, il fait du mal à la communauté. Tout ça au nom du jihad. فمن شروط الجهاد c'est un شرط أساسي مهم القدرة. Si on n'a pas le قدرة, comme c'est la situation actuelle dans beaucoup de contrées, dans beaucoup de pays, ils n'ont pas le musulmans, ils n'ont pas le قدرة. ففي هذا الحال, on fait des efforts في العلم, on fait des efforts في التربية والتصفية. Comme Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi démontre dans beaucoup de ses livres et beaucoup de ses audios, annahu il montre avant de parler de jihad, si on n'a pas le qudra, on fait des efforts dans l'éducation, on fait des efforts fi at-ta'lim, on fait des efforts fi al-mu'taqad as-sahih, on fait des efforts fi jam' al-kalima 'ala al-haqq fi ittiba' al-kitab wa as-sunnah, talab al-'ilm wa tarbiyat al-ajyal. C'est un jihad azim, كذلك. C'est un jihad azim, jihad al-nafs. كذلك, on s'éloigne des ma'asi. On obéit au gouverneur, fi ta'atillah. On s'écarte des passions, on patiente. Tout ça, c'est un jihad azim. Donc, si on n'a pas la capacité, comme c'est notre état actuellement, fi hadha al-hal, on n'a pas à appliquer les anna, ça nous fera du mal. Le mal, il est beaucoup plus grand que le bien. ففي هذا الحال on patiente. قال أما إن لم يكن عندهم إمكانية ولا قوة فَإِنَّهُ لَا جِهَادَ عَلَيْهِمْ. On n'a pas le droit de suivre ses patients. Il y en a بعض الناس, comme on a dit, c'est une faiblesse, ils n'arrivent pas à patienter. Il fait des choses, il appelle ça jihad, mais fil haqiqa c'est une faiblesse. Un attentat, il se suicide, une tuerie, personne ne lui a donné cette responsabilité. Ben c'est interdit fi dinina, même s'ils appellent ça jihad, c'est pas minal jihad fi shay. Il n'a pas le qudra, il se fait du mal qu'à lui-même et il fait du mal à la communauté. قال الشيخ البوزان فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة ولم يشرع لهم الجهاد لأنهم لا يستطيعون. النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu la révélation في مكة. Et avant de faire la hijra, il est resté plus de 10 ans à Mecca. À peu près 13 ans. Est-ce qu'il a appelé au jihad عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. Bel, il a fait des efforts fi at-ta'wa alayhi salatu wassalam. Il a éduqué ses compagnons. Vu qu'ils ne pouvaient pas appliquer, ils étaient en période de faiblesse, ils ont fait al-hijra. Et c'est un jihad adhim. Enfin, nous, le conseil qu'on donne à nos frères, c'est si tu as des faiblesses, tu ne peux pas tout changer. Certains de ceux qui vivent dans des pays de kuffar, des pays qui ne sont pas des pays de muslimis. Fa fi hadha al-hal, pourquoi tu veux tout changer alors que tu n'as pas la capacité? Fi hadha al-hal, tu dois te changer toi. Tu dois te déplacer toi, comme il a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Il y en a بعض الجهال الآن, il vit dans le kufr et il veut faire des choses et il appelle ça jihad pour changer les choses. Dans ton cas, tu dois rentrer dans un pays musulman. Pourquoi? Léanna, tu n'as pas la capacité de changer les choses et tu dois te changer toi-même. Léanna, vivre عند الكفرة, c'est haram. Enfin, ton jihad à toi, c'est de te déplacer. Tu quittes أرض الكفر pour أرض الإسلام et t'appliques ton din. حتى يفتح الله. Comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont déplacés de Mecca à la Médina. Ils ont fait le hijra. Enfin, c'est ça notre din. Amma, tout mélanger. Ne pas donner d'importance à ces conditions, ne pas donner d'importance aux paroles de nos savants, ça provoque. Et le résultat, c'est toute cette faute al-an. Toutes ces fitans. C'est mélangé. Et al-a'da, ils en profitent. C'est ce qu'ils veulent, anahum, ils salissent l'image du jihad, ils salissent l'image de la communauté, ils en profitent pour combattre les musulmans akthar, et ceux qui reçoivent tout ce mal, et qui sont salis, c'est les musulmans. Alors, l'insan, il réfléchit. Fais attention à tes faiblesses, ça ne te pousse pas à foncer, ça ne te pousse pas à trouver des solutions seul. Tu reviens à Ahl al-Ilm. C'est important, jiddan, surtout dans ce genre d'affaires. On revient à Ahl al-Ilm et on fait attention de ne pas perdre nos moyens, on fait attention à nos faiblesses et on fait des efforts sur nous-mêmes. Jahid nafsak, jahid al-shaytan. Hatta le jour où il y a un jihad shar'i, t'es prêt. Aqida sahiha, ilmun. Ce ilm et cette aqida sahiha, ils vont te donner du courage, ils vont te donner de la force. Et du tawfiq min Allah. Et bien, هذا يحصل الخير. Amma, tout mélangé, بعضهم ربما il fait pas salat, ربما il est dans des ma'asi leil nahar, ثم والعياد بالله الشيطان يوسوس له أنه il doit faire telle chose et telle chose pour changer l'état de la communauté. Alors que lui-même il a besoin de changement, lui-même il a besoin de faire des efforts. والله المستعان. قال الشيخ الفوزان وكذلك, deuxième condition. Donc la première, c'est la capacité. Deuxième condition, وكذلك لابد من أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر. Deuxième condition, c'est que ce jihad, il doit être avec l'autorisation de l'amir, du gouverneur. قال الشيخ البوزان لأنه هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه. Et ça, ça fait partie des bienfaits de notre din. Notre din, il ferme les portes à la fawda, au fitan, au désordre, au trouble. لأن si chacun il pourrait faire ce jihad, فربما la communauté se divise. هذا il dit faut le faire, هذا il dit faut pas le faire. هذا il a une méthode, un autre il a une méthode. Hada il a une façon, un autre il a une façon. Hada il avance, Hada il recule et ça divise tout le monde. cette mas'ala azima revient au walil amr. Et les musulmans, ils sont ma'oulati umurihim fi hada al-bab. Et ça, c'est manhaj ahl sunnah, contrairement à ahl al-dhalal, que eux-mêmes, pour lui, al-amir, c'est un kafir. Pour lui, ce gouverneur, il faut le combattre. Enfin, comment il va lui obéir? Wal'iyadu billah. Alors que ce gouverneur, c'est un musulman. Il fait salat, il aime l'islam, même s'il a des faiblesses, on n'a pas le droit de se rebeller et le combattre. Ben, on doit lui obéir. Fi ta'atillah. Azza wa jal. Qala, li'annahu huwa alladhi ya'muru bih, wa yunazzimuhu wa yatawallahu wa yushrifu alayhi. فهو من صلاحياته وليست من صلاحيات أي أحد. Ça, c'est important. Chacun doit rester à sa place. Cette chose, c'est réservé au gouverneur. Et appeler au jihad, mettre en place, organiser, tout ça, c'est wali al-amr. C'est pas al-afrad min al-mujtama. Il y en a, ça ouvre des portes de fitan. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des groupes, wal'iyadu billah, ils s'autoproclament groupe de telle contrée, avec tel nom, avec un amir, avec un chef, et ils prétendent faire le jihad. Et ils divisent la communauté. Walil asaf, ils font beaucoup plus de mal aux musulmans qu'aux kuffars. Comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqtulouna ahl al-islam wa yada'ouna ahl al-awthan. Fi kathir min al-halat, ils combattent les musulmans et ils délaissent les kuffars. C'est pour ça que ça nous démontre que ce n'est pas un jihad shari. Un jihad pour tuer tes frères musulmans. Un jihad pour mettre, propager le désordre dans les pays musulmans. Même عند الكفار, si tu n'as pas la capacité, et ça emmène un mal plus grand, et ce n'est pas تحت راية الأمير, ce n'est pas sous l'ordre d'un gouverneur musulman, c'est من الفتن ومن الفساد. Et ça fait que du mal. Et c'est ce qu'on vit, للأسف. La cause, l'ignorance, ils ont délaissé les servants de l'islam, ils se donnent des responsabilités que personne ne leur a données, et c'est leur faiblesse. Vu qu'il ne peut pas faire le jihad de son nefs, patienter à l'ilm, patienter à la da'wa, montrer aux gens, faire des efforts sur lui-même, avancer, fonder une famille, l'éduquer, tout ça, vu qu'il ne peut pas, il veut un tariq mukhtasar à cause de ses faiblesses. Il veut le chemin le plus court. C'est pour ça que certains, wal'iyadu billah, ils mettent fin à leur jour, etc. Il n'arrive pas à patienter. Al-muslim yasbir. Yasbir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est arham bil ibad. Qala Cheikh al-Fawzan, wa laysat min salahiyati ay ahad wa ay jama'a tadhhab aw taghzu bidun idn wali al-amr. C'est pas la responsabilité d'un tel ou de tel groupe. Anahum décide, on va faire le jihad à telle époque, dans tel pays. C'est pas de leur responsabilité fichée. Allah عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Et dans l'autre verset, ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Donc l'islam, parmi les fondements de notre din, c'est l'obéissance au gouverneur. Ça préserve le sang des musulmans, ça préserve l'unité des musulmans, ça préserve les biens des musulmans, ça ferme les portes aux ennemis de l'islam. Amma, les actions de un tel, de tel groupe, alors que le gouverneur il est contre, ça divise les musulmans. Cette parole de Cheikh al-Fawzan, il décrit, il démontre les conditions du jihad, al-qudra, awwalan, et thaniyan, que ce jihad il soit avec al-amir al-muslim. Et ces deux conditions, elles sont importantes. Donc, on doit leur donner de l'importance. فالانقلابات, les coups d'État, والخروج على ولي الأمر المسلم, les rébellions, والتفجير, والتخريب, les attentats, les tueries, tout ça, c'est pas من الجهاد في شيء, c'est من الجهاد في سبيل إبليس. أما الجهاد في سبيل الله, il a des conditions. On a un exemple à suivre, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a des savants, si on ne comprend pas une chose, ou on a une ambiguïté, on leur demande. On a des gouverneurs qui ont des responsabilités, on leur obéit, fait ta'atillah. Et bihada, incha'Allah ta'ala, on avancera. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, an yusliha al-ahwal. Qala al-Sheikh Sa'di ba'da dhalik, wa kathalika al-amru bil-ma'ruf, wa al-nahi anil-munkar. Kadhalik, ça fait partie des fondements de notre din. Appeler au ma'ruf, et le ma'ruf c'est le khayr, le bien, que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous ont montré que c'est un bien, même si un tel minan nas, il pense que ce n'est pas un bien. Le bien, al-khayr, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous ont montré, c'est un bien. On appelle à ce bien avec tant qu'on peut. Wal-munkar, c'est al-shar, c'est le mal. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous ont démontré, c'est un shar, c'est un munkar. Même si un tel minan-nas, il pense que c'est un bien. Donc, awwalan, pour comprendre ce bien, tu dois comprendre c'est quoi le ma'ruf et c'est quoi le munkar. Il y en a ba'd al-nas, ils appellent à du ma'ruf, ce qu'ils appellent le ma'ruf, et c'est un munkar adhim. Et ba'd al-nas, ils mettent en garde contre le munkar, et c'est un ma'ruf. Indallahi subhanahu wa ta'ala. Donc, awwalan, on doit savoir comment reconnaître un bien et un mal. Le bien, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité comme bien, fil Qur'an, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil sunnah. Al-munkar, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a démontré que c'est un munkar, c'est du shar, fait le Coran, ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, fait sunnah. Donc, pour appliquer ce point important, il faut avoir des connaissances fi din Allah azza wa jal. Hatta, on ne mélange pas. Enfin, on appelle au tawhid, c'est un ma'ruf. On appelle au mu'taqad sahih. Aqidatu salaf, c'est un ma'ruf, tayyib. On appelle à accomplir la salat, à sortir la zakat. On appelle à suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On appelle à tout le khayr qui est cité fil kitab wa fi sunnah. On met en garde contre le munkar, contre le shirk billahi azza wa jal. C'est a'dam al-dhunub. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. On appelle kadhalik, ou on met en garde kadhalik contre le bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré kulla bid'atin dhalala. Chaque bid'a c'est de l'égarement. On met en garde contre le khurafat. On met en garde contre le jahl. On met en garde contre le tashabbuh bil kuffar. On met en garde contre le ma'asi. Que ce soit le zina, que ce soit l'alcool, que ce soit l'usure, le riba. Hakada le musulman, il donne de l'importance à ce point. Et ce point, kadhalik, il y a des conditions. Des conditions, fille, pour celui qui va appeler au ma'ruf et qui va mettre en garde contre le munkar. Et on ne détaillera pas ce point. On l'avait détaillé, walillahi alhamd, dans des durous avec nos frères, fi al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, on les a propagés et on avait cité les bienfaits, on avait cité les conditions. Et parmi les conditions importantes, la capacité, kadhalik, si cet appel au ma'ruf ou hadha an-nahy 'anil munkar, le fait d'interdire le blâmable, ça pousse à un mal plus grand, fa fi hadha al-hal al-insan la yenha, l'yenha, ça va emmener un mal plus grand. L'insan, il faut qu'il ait de la hikma, qu'il ait du ilm, du fiqh. Hatta, il applique ces choses avec des dhawabit shar'iyya et des shurut ilmiyya. Et on avait détaillé, hada, dans cette kalima, dans ces durus, walillahi alhamd. قال الشيخ سعدي وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد. Vu que ce din il est fondé sur des obligations à faire, التوحيد, الصلاه, الزكاه, etc. Et كذلك ce din il est fondé sur des interdictions, des choses à ne pas faire, tu dois t'écarter, الشرك et toutes les ma'asi qui viennent après. قال وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور. Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à ses serviteurs de faire le bien et de s'écarter du mal. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أمر من الله, qu'on doit faire les adorations et on doit s'écarter des interdits. قال ولكي لا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة التجري على بعض المحرمات والتقصير على أداء المقدور عليه من الواجبات. Donc vu que certaines personnes, par rapport à ces ordres, le fait de les faire, à ces interdits, le fait de s'en écarter, certaines personnes, elles peuvent avoir des faiblesses. Le shaitan, il peut essayer de les égarer. On n'est pas à l'abri. قال وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونهي بحسب ذلك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré de s'entraider via hadal bab. Si tu vois quelqu'un qui a des faiblesses, qui n'applique pas tel ordre, tu le conseilles. Amrun bil ma'ruf. Si tu sais que il fait tel péché, an-nahy 'anil munkar. C'est une obligation. كما في حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Celui qui voit un munkar, il l'enlève avec ses mains. فإن لم يستطع فبلسانه. S'il peut pas avec ses mains, avec sa langue, أي avec la parole. فإن لم يستطع فبقلبه. S'il peut pas, ça te montre que parmi les conditions de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar al-istita'a al-qudra. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam cite la condition à chaque fois. Si tu peux pas, avec le cœur. Tu détestes cette chose dans ton cœur. Si tu peux pas parler, tu as peur, tu crains un mal plus grand. Min babi awla, enlevé avec la main, fa fi hadha al-hal tunkir bi qalbik. Avec ton cœur. Qala al-Sheikh Sa'di la yatimmu illa bi amrin wa nahyin. ونهي بحسب ذلك كان ذلك من أجل محاسن الدين. Ça montre les bienfaits de notre dîn. أن المسلم pense aux autres. أن المسلم s'entraide avec ses frères musulmans. Il le rappelle à l'ordre. Il le conseille. Pourquoi? Parce qu'il veut son bien. Pourquoi? Parce qu'il aime pour lui-même ce qu'il aime pour son frère. Ah oui, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Enfin, المسلم sait le bienfait d'adorer Allah عز وجل. Et connaît la récompense, al-jannah. Et il sait que ذلك, la gravité de désobéir à Allah, azza wa jall. Et le châtiment, c'est nar. Donc, il veut pour son frère ce qu'il veut pour lui. C'est pour ça qu'il lui montre. Crois pas, akhil karim, que celui qui te conseille, celui qui te rappelle à l'ordre, ne crois pas qu'il veut ton mal. Wallahi, il veut ton bien. C'est pour ça qu'il te montre. Celui qui te montre pas, naam. Celui-là, s'il a la capacité et il peut, il sait et il te montre pas même. Là, tu peux croire qu'il veut pas ton bien. Ah, mais celui qui te montre, il veut ton créer. Et ça fait partie des bienfaits de notre dîn. Annahu, on montre aux autres parce qu'on veut leur bien. قال ومن أعظم الضروريات لقيامه كما أن في ذلك تقويم المعوجين من أهله وتهذيبهم. كذلك ça permet à celui qui a une faiblesse, celui qui dérive, qui s'égare, de c'est une cause pour qu'il se remette sur le droit chemin. لأن الذكر تنفع المؤمنين. L'insan il n'est pas à l'abri de s'égarer, de délaisser le haq. Donc le fait que son frère il lui rappelle, c'est une ni'ma. Et c'est un bienfait de notre dîn. S'entraider, se conseiller. قال وقمعهم عن رذائل الأمور وحملهم على معاليها. C'est un asl azim. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Appeler au bien et interdire le mal. يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس. الإمام الشيخ سعدي رحمه الله dans son تفسير يقول هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب. Pourquoi cette communauté, الأمة الإسلامية, pourquoi c'est la meilleure communauté? Comme il a informé Allah عز وجل, comme il nous a informé le prophète صلى الله عليه وسلم, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré que les meilleurs gens, c'est cette communauté. Là, l'époque de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, ses compagnons et ceux qui viennent après. C'est la meilleure des communautés. Pourquoi? قال عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah il a cité les causes. Ils appellent au bien, ils interdisent le mal et ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ سعدي التي تميز بها وفاقوا بها سائر الأمم وأنهم خير الناس للناس نصحا. C'est pour ça que le musulman c'est la meilleure personne pour les autres. نصحا, il le conseille. ومحبة للخير, il lui veut du bien. ودعوة, il lui montre. الدعوة وتعليما, Et s'il a des connaissances, il lui fait profiter. Wa irshadan, il lui montre tariq al-haq. Wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Il l'appelle à faire le bien et il lui interdit de faire le mal. Wa jam'an bayna takmil al-khalq wa as-sa'i fi manafi'ihim bihasb al-imkan wa bayna takmil an-nafs bil iman billah wa al-qiyam bi huquq al-iman. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé cette communauté. Il ne nous a pas élevé à cause de notre nombre, ou à cause d'une couleur, ou à cause d'une origine. Là, il nous a élevé Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cette umma, ta'mur bil ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, wa tu'min billah. Wa qala jalla wa ala, waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, wa ula'ika humul muflihun. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre les causes du falah. Al-falah, c'est la réussite. Je veux réussir. Qala azza wa jalla, waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr. Al-da'wa ila al-khayr. Al-da'wa ila al-tawhid. Al-da'wa ila sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. On revient à notre fondement. Al-amr bil ma'ruf, appeler au bien et réprimander le mal, le blâmable. Qala wa ulaika humul muflihun. C'est ça, al-falah. C'est ça la réussite. La réussite, c'est pas dans ce qu'ils font les gens. La réussite, c'est pas dans délaisser notre dit. La réussite, c'est pas écouter al-a'da, al-kuffar. C'est pas ça la réussite. La réussite, elle est fi kitabillahi azza wa jal. T'es un musulman, akhi al-karim, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois en son messager, t'as la conviction certaine, t'es sûr que la parole d'Allah c'est le haq, et la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam c'est le haq. Fata'ammal ce verset. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est ça la réussite. قال الشيخ سعدي رحمه الله. Et on finit cet exemple avec هذا. قال وَأَمَّا إِطْلَاق الْحُرِّيَّةِ لَهُمْ وَهُمْ قَدْ إِلْتَزَمُوهُ ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه فمن أعظم الظلم والضرر عليهم. أما appeler à la liberté, إطلاق الحرية, الحرية المطلقة, ça contredit tout ce qu'on vient de voir. Il y en a ceux qui appellent à la liberté, il ne pourra plus appeler au bien et interdire le mal. Il y en a, t'es libre. L'alcool, boire de l'alcool, c'est haram et ça implique des mafasides, un mal énorme. Liberté, il fait ce qu'il veut. C'est haram pour lui, il n'y a plus de halal ou haram, il est libre. C'est pour ça que le Cheikh Saadi il a appelé هذا فمن أعظم الظلم والضرر عليهم. Il y en a cette liberté, الآن que le kuffar ils essayent de propager, c'est pour combattre les fondements de ton dîn. T'adores Allah Azza wa Jal, ou tu ne l'adores pas, tu es libre. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فهذا celui qui appelle à la liberté totale, il va dire il fait ce qu'il veut. Bal kathir minhum, ils vont combattre ceux qui adorent Allah Azza wa Jal seul. Leur liberté, c'est deux poids deux mesures quand ça les arrange. Falhadr al-hadr min hada al-fikr. Cheikh Saadi rahmatullah alayhi, ta'lamoun anna Cheikh Saadi il est mort il y a des années. C'est le cheikh de al-allama al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Cheikh al-Uthaymin il est mort il y a quelques années. Cheikh Saadi il est mort bien avant. Et à son époque, à la moitié du siècle dernier, à son époque déjà, il a vu et il connaissait les mafasid de l'hurriya. Cheikh Saadi, il n'a pas vécu à notre époque. Anna hada al-fikr intashara jiddan wa akthar. Et ça a provoqué un shara azim fil umma. Yaqul fa min a'zam al-zulm wa al-darar alayhim wa ala al-mujtama' khususan al-huquq al-wajib al-matlouba shara'an wa aqlan wa urfan. Ça contredit les fondements de notre dit. Les anna, tu vas appeler au khayl qui est cité dans le kitab, ou sunna, tu vas mettre en garde contre le shirk, il va te dire je suis libre. Tu ne peux pas m'imposer alors que Allah subhanahu wa ta'ala il lui impose. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré, il a ordonné que tu l'adores seul. Et c'est lui qui t'a créé. Fait de quelle liberté tu parles? يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Est-ce que tu es libre? totalement là. Ben, si tu veux, wallahi alhamd, profiter de ta vie et tu veux être libre, haqqan, adore Allah subhanahu wa ta'ala. L'yannata abd lillahi azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui t'a ordonné, tout ce qui t'a interdit, c'est pour ton bien. Fait tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, et t'es libre, a été libéré de ibadat al-shaytan et de l'ahwa et de ton nafs. Les anna, ceux qu'ils appellent à la liberté, on va lire le kalam de Cheikh al-Fawzan, c'est des esclaves de leur shahawat. Ils prétendent être libres et wallah, ils ne sont pas libres. Bel, ils suivent le shaitan et ils sont manipulés. Wal-iyadu billah. Amma al-muslim, il est libéré de tout ça et il adore celui qui l'a créé. Qala jalla wa ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Fahvar, akhi al-karim, de ce fikr. On est libre, tu ne peux pas nous imposer. Reviens au Coran si tu es un musulman. Et tu verras que Allah t'a ordonné des choses, il t'a interdit des choses. Enfin, de quelle liberté tu parles? Liberté totale? Est-ce que ça va t'être utile yawm al-qiyamah? Quand Allah subhanahu wa ta'ala il va juger l'ibad? Est-ce que tu vas dire je suis libre? Si je veux, je suis jugé. Si je veux, je ne suis pas jugé. Na'udhu billah min hada al-fikr. Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-malik, c'est al-qahhar. C'est le Jabbar. Et jugera chacun. Qala Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dans un maqal, qala inna al-insana abdun lillah, falaysa hunak hurriya mutlaqa, li'anna illa inda al-malahida. Falaysa hunak hurriya mutlaqa illa inda al-malahida. Et liberté totale, je fais ce que je veux. Si je veux, j'adore pas Allah Azza wa Jal. Si je veux, je fais tous les interdits. Ça, c'est fikr al-malahida. Les athées, ceux qui n'ont pas d'iman billah, ou bil rasoul, ils n'ont pas de din. Thumma hum laysu ahraran li annahum yakununa abidan li ahwa'ihim wa shahawatihim. Et fil haqiqa, wa sadaqa, hafidahullah, annahum, ils ne sont pas libres. Bel, c'est des esclaves de leur passion et de leur shahawat. Il ne peut pas s'empêcher de faire certaines choses. Il n'est pas libre. Il serait libre, il arriverait à faire la part des choses. Là, كثير منهم فتنوا بالنساء وبالأموال et son nafs. Il ne peut pas faire une raka'a لله عز وجل. Il n'est pas libre. C'est un esclave. قال فمن لم يكن عبدا لله صار عبدا للشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله. Et celui qui adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas عبد لله عز وجل. Il applique pas din Allah عز وجل. Il s'écarte du din. فَفِي الْحَقِقَةِ سَنْ عَبْدِ الشَّيْطَانِ qui s'en rendent compte amla, il n'est pas libre. نَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ هَذَا الْفِكْرِ. Et le prochain cours, inshallah, on lira l'exemple suivant, le 7e. سُبْحَانَكَ لَوْمْ حَمْدِكَ شَهَدُ وَاللَّهِ إِلَهِ لَا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ.